Voyons, madame, voulez-vous me permettre de vous conter une histoire scandaleuse? Cela m'intéressera infiniment, mais je présume que je m'en irai au milieu. Je ne crois pas. C'est une histoire qui vous expliquera bien des choses. C'est celle de mon premier amour, où je me conduisis comme un misérable. Mais n'anticipons pas. J'avais, madame, 21 ans. Et si étrange que la chose puisse paraître, je n'avais jamais aimé. Je me faisais alors, il faut vous le dire, des femmes et de l'amour une idée extraordinairement élevée, une idée presque sainte. J'avais dans le cœur un trésor véritable de dévouement, de passion et de respect que je n'entendais pas placer légèrement. Enfin, une femme se rencontra que j'aimais comme elle voulait être aimée et qui m'aima comme elle voulut. Elle appartenait au monde le plus patricien. Elle était mal mariée, cela va sans dire, et très malheureuse. Elle n'était plus très jeune, mais je ne l'en aimais que davantage, parce qu'elle en avait souffert plus longtemps. Du reste, extrêmement belle encore, quoique blonde. En outre, d'une honnêteté timorée qui me désespéra plus d'une fois. Car enfin, quoiqu'elle me fût sacrée, j'avais 20 ans. Mais il fallait la respecter ou la quitter. Nos tête-à-tête étaient rares et courts. Son mari était jaloux et la surveillait de près. Il y aurait bien eu quelque moyen vulgaire de nous donner des rendez-vous au dehors, dans un fiacre ou chez un ami. Mais tout ce qui était vulgaire, tout ce qui eût pu dégrader notre amour, nous répugnait également à tous deux. Des mois se passèrent dans ce charme et dans cette contrainte. Malgré les réserves, assurément très pénibles, que sa conscience m'imposait, peut-être à cause de ses réserves même, j'étais aussi amoureux et aussi heureux qu'on peut l'être en ce monde. J'avais la joie profonde de rendre à cette chère créature tout son bonheur arriéré et de n'y avoir mêlé aucun remords sérieux. Car le peu qu'elle me donnait, elle l'eût donné à un frère. Et cependant, ce peu était pour moi une suprême volupté. Par une belle nuit du mois d'octobre, pendant les chasses, nous étions voisins à la campagne. Son mari était allé passer 24 heures à Paris. J'obtins, à force de supplications et sous la foi des serments, d'être reçu dans sa chambre pendant 1 heure. « Pardon ?» dit madame de Morescan en se soulevant sur son fauteuil. « Si je m'en allais ?»« Non, non, ne craignez rien. » La chambre était au rez-de-chaussée du château et s'ouvrait sur le parc. J'y pénétrai vers minuit par une fenêtre un peu haute et d'un accès assez difficile, autour de laquelle il y avait, je m'en souviens, des lianes de jasmin et de clématite qui répandaient dans la nuit une odeur exquise. Je ne sais si ce fut cette odeur un peu capiteuse ou l'impression nouvelle pour moi de cette chambre personnelle, mais je dois vous avouer que je me montrais cette nuit-là moins résignée que de coutume aux scrupules impitoyables qu'on m'opposait. Ce fut une scène douloureuse que je ne me rappelle pas sans honte. La pauvre femme finit par se jeter à mes genoux, les mains jointes, me suppliant d'être honnête homme, me demandant avec larmes si je n'étais pas heureux, si jamais je pouvais l'être davantage, si je voudrais l'être aux dépens de son repos, de son honneur, de sa vie même, car elle ne survivrait pas à une faute. Enfin, elle vainquit. Je cédais moitié à ses pleurs, moitié à mon propre sentiment, qui me disait en effet qu'il n'y avait rien au-delà des ivresses de cette amitié passionnée et innocente. Elle me remercia en me baisant follement les mains, et je sortis par où j'étais venu. À peine eus-je posé le pied sur le sable de l'allée que je me retournai pour lui envoyer un dernier baiser en murmurant « À demain !» Je la vis aux clartés de la lune, debout et immobile dans le cadre de la fenêtre, les bras croisés sur le sein, le buste un peu en arrière. À l'envoi de mon baiser, elle répondit par un léger mouvement d'épaule. Puis, de sa belle voix de contralto que j'adorais, elle laissa tomber lentement ces deux mots. « Adieu, imbécile !» Je ne l'ai plus revue. Dès ce moment, elle me ferma sa porte, sa fenêtre et son cœur.